Tu parlais du pâté tout à l'heure, un peu de viande, un peu de pâté. Est-ce que vous faisiez aussi des saucisses ou des andouilles? Des andouilles. Andouilles. Qu'on fumait dans la cheminée. Oui. Et qui préparait l'andouille? C'est avant qu'elle soit andouille. Ma mère faisait tout ça. Il y a quelqu'un qui venait tuer le cochon ou bien c'était... Tous les voisins, ils venaient aider tuer le cochon. Parfois, le cochon n'était pas bien pris, il courait toujours. Mais est-ce qu'il y en avait un dans l'équipe qui était spécialiste du... Non. Tout le monde se mettait... Tout le monde était capable de tuer le cochon, de découper, de... Ah oui, tout le monde. Ma mère faisait du pâté, du tout. Et c'était toujours ta mère qui faisait le pâté? Ah oui. C'était son poste. Et donc les andouilles, comment vous faisiez les andouilles alors? On a lavé les